Oui, bonjour, je vous appelle pour prendre rendez-vous pour un problème d'électricité au 23 Venelle du Corneau, si possible urgent.